Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, nous faisons appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires. Merci de votre soutien. Et si vous ne voulez plus entendre de publicité, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. La langue française est pleine de dictons pas toujours faciles à comprendre. Mais vous allez pouvoir percer leurs secrets grâce à la nouvelle collection de livres Happy Meal, écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. À chaque fois, vous serez embarqué dans des aventures incroyables. Ma préférée, c'est celle de Nicolas et l'hirondelle Voltigette, deux inséparables amis. Sauf que Voltigette s'en va passer l'hiver au chaud en Afrique et ne reviendra qu'au printemps. Est-ce que les deux amis arriveront à patienter si longtemps? Pour le savoir, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et choisissez le livre à la place du jouet. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Problème de déguisement, une histoire écrite par Cécile. Bonne écoute. Avant que vous filiez en récréation, j'ai une sacrée grande nouvelle. La photo de classe aura lieu dans une semaine, tous à vos costumes. Accompagné de petits cris de joie et de sourires béats, des yeux brillants fleurissent à chaque table. Dans l'école de Tito, la photo de classe, c'est déguisé ou rien. C'est la tradition depuis toujours. Une tradition aussi importante que celle qu'ont Tito, Maëva et Paul depuis leurs 3 ans. Choisir le même thème pour leur déguisement. Sous le préau, les 3 inséparables se regroupent en cercle pour la GRACD-TDPC, la grande réunion annuelle du choix du thème de la photo de classe. J'ai une méga idée géniale! Cette année, on se déguise en princesse! Hein? Quoi? Mais pourquoi? Les princesses, c'est un truc de filles! Ouais, enfin, moi je suis une fille et j'ai pas envie de me déguiser en princesse. C'est trop nul! Pourquoi pas en fée tant qu'on y est? Non, pas question, hein. Cette année, on se déguise en cow-boy! C'était déjà notre thème de l'an dernier! Sauf que là, on pourrait faire des cow-boys de l'espace avec des armures et tout. Jamais 2 fois le même thème, c'est notre règle. Et là, c'est pareil. Allez, faites-moi confiance, on sera les plus belles princesses de l'école. T'es un grand malade, y'a un truc qui fonctionne plus dans ton cerveau ou quoi? Et pourquoi tu veux te déguiser en princesse d'abord? Ben, parce que les princesses, c'est cool. Personne ne s'y attendra, on va encore épater tout le monde. Tout le monde va se moquer, oui. C'est un grand nom, j'ai pas envie d'être la risée de l'école. La sonnerie marque la fin du débat. Tito regarde ses copains s'éloigner, la bouche à moitié ouverte. En 6 années d'amitié, c'est la première fois qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, il y a bien eu la fois où Paul voulait jouer à Warcraft et Maëva à Zeldou, et la fois où ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la date de leur fête d'anniversaire, mais jamais il n'y a eu de désaccord sur le déguisement. Tito les rejoint en trottinant, les mains calées tout au fond des poches et la tête toute froncée, perdue dans ses pensées. En classe, le drame tourne en boucle dans sa tête. Impossible que leur trio ne soit pas déguisé sur le même thème. Cette année, c'est princesse ou rien, il en est certain. Il doit juste trouver un moyen de convaincre ses copains. Mais lequel? Cette question l'obsède tellement qu'il se perd dans un tourbillon de réflexion dont il ne sort que lorsque M. Clovac annonce la fin de la journée. Et n'oubliez pas les enfants, les meilleurs costumes sont capables de transporter les gens. En entendant ça, Tito a une illumination. Il prend tout son temps pour ranger son cartable et se retrouve seul dans la classe avec son maître. Monsieur Clovac, je dois vous parler de quelque chose de très important. C'est pour la photo de classe. J'aimerais me déguiser en princesse. Mais tu as le droit de te déguiser dans ce que tu veux, Tito. Je comprends pas bien ce qui est important. Ben, c'est qu'avec Maëva et Paul, on se déguise toujours ensemble sur le même thème, quoi. Sauf que là, ils veulent pas, ils vont venir en cow-boy. Et tu ne peux pas te déguiser en princesse et eux en cow-boy, ce fera un super trio. Vous ne comprenez pas, c'est trop grave ce qui se passe. On a toujours choisi notre thème ensemble, on a toujours été d'accord. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils ne voulaient pas se déguiser en princesse? Ben, ils disent que les princesses c'est nul, que c'est un truc de fille. Même Maëva, qui est une fille, ne veut pas. Mais grâce à vous, je sais comment les convaincre. Je vais faire un exposé pour leur prouver qu'être une princesse c'est cool. Enfin, si vous êtes d'accord. Un exposé sans avoir à le demander? C'est inespéré. Monsieur Clovac accepte sans sourciller. Tito quitte l'école un sourire géant scotché au visage, ce qui ne manque pas d'intriguer ses 2 amis. Pourquoi tu souris comme ça? C'est un secret. Oh, depuis quand il y a des secrets entre nous? Ça va pas rester secret très longtemps, t'inquiète. Sauf que les jours qui suivent, Tito reste en classe pendant les récrés, file illico après l'école sans attendre Maëva et Paul, et ne se connecte même plus à Forcraft, leur jeu préféré. Pire, leur ami fait tout pour les esquiver. Inquiet, il décide d'aller chez lui. Et là encore, sa réaction les surprend. Tito entr'ouvre juste la porte. Ben, tu nous ouvres pas ? Non, j'ai pas trop le temps. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tito ? T'as changé ? Hein ? Non, je révise mon contrôle de maths et je comprends rien. Bah t'as qu'à me demander, je comprends tout, moi. Non, c'est bon, je me débrouillais tout seul. Ce serait pas à cause du GRACD TDPC, des fois ? N'importe quoi ! Je vous ferai pas la tête pour une histoire de princesse, hein ? Bon, je dois vous laisser, je dois faire les exercices que papa m'a donnés. Et clac, il leur referme la porte au nez. Paul tente de sonner à nouveau, mais Maëva l'en empêche. Laisse tomber, on a perdu un copain. Paul ne veut pas y croire, mais le lendemain matin à l'école, Tito esquive son regard et file comme une anguille lorsqu'il s'approche. En classe, Maëva et Paul retrouvent Tito, debout sur l'estrade, le nez plongé dans une liasse de notes. Monsieur Clovac tout saute, le silence se fait. Toute la classe a les yeux rivés sur Tito. La semaine dernière, Tito m'a proposé de faire un exposé sur un sujet fort intéressant. Mon cher Tito, l'estrade est à toi. Fixé comme une bête curieuse, Tito sent ses jambes se changer en guimauve, ses mains devenir toutes moites. Avec cet exposé, il va peut-être perdre ses copains et devenir la risée de toute la classe. Non, de l'école! Il jette un œil à Monsieur Clovac qui l'encourage d'un hochement de tête discret. Tito déglutit, ravale ses craintes, fait un pas en avant et se lance. À votre avis, qui est capable de contrôler le froid? De calmer le plus effrayant des monstres? De se battre à main nue contre un ours? Qui peut vaincre une terrible sorcière des mers? Partir à la guerre pour sauver son père ou repousser d'horribles envahisseurs sans avoir peur? Toute la classe échange des regards en haussant les épaules. Vous n'avez pas une idée? Des chevaliers? Des super-héros? Eh non, ce sont les princesses. Tout le monde reste sans voix. Les princesses ne sont plus des nunuches qui attendent qu'un prince charmant vienne les délivrer d'un sortilège ou d'une prison. Elles sont fortes, courageuses et super malines. Elles sont prêtes à tout pour défendre ce qui leur tient à cœur, même à gravir des montagnes, en robe. Alors que nous, on n'est même pas capable de grimper à la corde en cours de gym, en jogging. Et quand un horrible méchant ose les sous-estimer, pour lui, c'est la défaite assurée. En fait, ce ne sont pas les robes qui font les princesses, mais leur caractère. Elles sont tellement impressionnantes que ce serait vraiment bête d'avoir honte de vouloir leur ressembler. Pas vrai ? Des hochements de tête succèdent à une vague de chuchotements. Maëva lève une main timide. C'est vrai que, vu comme ça, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir se déguiser en princesse. Ouais, je me demande même à qui j'ai le plus envie de ressembler. Toute la classe s'enflamme à tel point que même Monsieur Clovac se laisse un peu dépasser. Plus question d'exercices de français et de mathématiques. S'ouvre un grand débat pour savoir quelle est la princesse la plus classe de l'histoire. Et le lendemain, pour le grand jour de la photo de classe, ce ne sont pas les cow-boys, les chevaliers, les super-héros ou les pirates qui sont les plus nombreux, mais les princesses, emmenées par un trio radieux composé de Maëva des Neiges, Paul Fiona et Tito Rebelle. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.